Bianchon, qui revenait du cours de Cuvier, eut l'oreille frappée du mot assez original de Trompe-la-Mort et entendit le « ça va » du célèbre chef de la police de sûreté. « Pourquoi n'en finissez-vous pas ? Ce serait 300 francs de rente viagère, » dit Poiret à Mademoiselle Michonneau. « Pourquoi ? » dit-elle. « Mais il faut y réfléchir. Si M. Vautrin était ce Trompe-la-Mort, peut-être y aurait-il plus d'avantages à s'arranger avec lui. Cependant, lui demander de l'argent, ce serait le prévenir, et il serait homme à décamper gratis. Ce serait un pouf abominable. Quand il serait prévenu, reprit Poiret, ce monsieur ne nous a-t-il pas dit qu'il était surveillé? Mais vous, vous perdriez tout. D'ailleurs, pensa Mademoiselle Michonneau, je ne l'aime point, cet homme. Il ne sait me dire que des choses désagréables. Mais, reprit Poiret, vous feriez mieux. Ainsi qu'il a dit ce monsieur, qui me paraît fort bien, outre qu'il est très proprement couvert, c'est un acte d'obéissance aux lois que de débarrasser la société d'un criminel, quelque vertueux qu'il puisse être, qui a bu, boira. S'il lui prenait fantaisie de nous assassiner tous. Mais, que diable, nous serions coupables de ces assassinats, sans compter que nous en serions les premières victimes. »